D'autres miettes, F. L'hygiène sera toujours négligée pour l'histoire. Les savons et substances du temps. C'est en peignant que j'écrivis mes meilleurs tableaux. S'est laissé surprendre par sa vigueur, après s'être défoulé dans la langueur. Jouir d'une insomnie recherchée est le privilège des amants et des poètes. Elle ne se rend compte qu'à son âge, elle ne peut qu'être poète. Le jour où tout vêtait verra, imparfaite et stupide, tout viendra à moi, dit la déesse. Était Soé ou Moira, l'âne a beaucoup de patience parce qu'il a de l'espoir. La mère qui nous donne la vie nous transmet la mort. Panique et scénique avant de dormir. La bêtise est une purgation de jeunesse pour tous les sages. Si ma bêtise ne me soulageait un peu, j'exploserais. On veut redresser la lourdeuse colonne de feu. C'est trop tard si c'est des papiers. Pour l'huile fraîche, c'est une autre affaire. Je porte mon cahier avec la même appréhension que si c'était un ordinateur portable dans la rue, et mon ordinateur portable avec la même allégresse que si c'était un cahier. Si un jour je me mettais à classifier tous mes Antonio Lopez, les peintres, les photographes, les chanteurs, les poètes, et chacun sa physionomie. Si on avait les noms des entreprises qui ont vidé les fosses communes de Franco à Grenade dans les poubelles, même la justice voudrait pardonner. Celui qui a été soldat sait ce que c'est la chair de l'autre. Il ne rit même pas devant les spécialités du bordel. Nicolas Destel, mis à part son suicide, donne à l'art abstrait une tournure triste, nostalgique, dans le sens d'une pensée qui nous fait mal quelque part. Ceci est possible car, en tant qu'Européen, il a du mal à une rupture totale avec le passé qui lui était transmis par le 19e siècle. Les Américains sont venus avec un esprit inventif. Ça ne leur coûtait rien de travailler dans ces sans souvenirs, sans réminiscence. La nostalgie de Nicolas Destal vient du fait que chez lui l'abstraction était vraiment une rupture. Sans deuil accompli, il restait fusionné au fond du cœur avec le paysagisme. Une autre remarque sur Nicolas Destal est la facilité avec laquelle il coule sa composition dans les rectangles et ses juxtapositions consubstantielles. Introduire l'intelligence du sujet naturel ou humain au sein de la machine comme l'âme dans la glace d'un golem. Voilà l'artifice d'Internet. Les millénaires jeux d'échecs avaient ces principes. Si l'on considérait cette âme en tant que sagesse, nous serions en train de revivre les mythes de la chute de Sophia. Les mondes chair ouverte, la chair et monde fermé. Le monde est chair ouverte, la chair est monde fermé, dit Ignacio Gómez de Liaño dans ses Illuminaciones philosophiques. D'où l'on ne peut conclure que le monde et la chair soient damnés, comme le veut la foi catholique. Que si l'on a horreur des choses qui s'ouvrent et se ferment, l'une donnant sur l'autre et à l'inverse. Je comprends pourquoi il y a du mal à peindre des personnages. Il craignait de mettre des rectangles debout. Ou plutôt la foi catholique veut que chair et monde, et même les diables, soient damnés non de leur propre faute, mais en tant qu'organe de la damnation de l'âme. J'abandonne mes peintures à la publicité pour qu'elles soient damnées, qu'elles se damnent et montrent leur liberté. Ce qui démontrerait qu'elle porte une âme capable de choisir les biens et les mal, un génie vivant. Le fromage fait grossir certains, d'autres non, au contraire, reste mince et même pèse moins. C'est de même pour la peinture à l'huile, qui fait grossir et mincir sans besoin de diète ou appétit particulier. Marie devait être une bonne mégère pour Joseph. C'est pour ça que j'admire la Vierge plutôt que l'honorer. Écrire enveloppe les fesses, développe, de là que je trouve préférable les femmes écrivant que les hommes écrivant. Les miettes font pas grossir. Peindre et faire des bandes dessinées, bel exemple de polyvalence typique du professeur de dessin le plus courant. J'aime me dire que si je faisais des bandes dessinées, elles seraient éditées chez ta chaîne, mais je ne serais pas capable de fournir 1000 pages de la même chose, hélas. Laissez-moi deviner, tout deuil nous affaiblit pour une réalité et nous renforce dans une autre plus faible. L'écriture est ce genre de deuil, c'est une inhumation. Il a fallu que cette ambulance passe dans la rue à ce moment-ci pour que je ressente l'agonie de l'humanité comme Newton à la chute d'une pomme ou Descartes en se réchauffant au brasero. Non, ça n'avait rien à voir. J'enlevais une arête dans ma voix avec deux miettes. Pratique des salons alexandrins. Le zoom de Descartes, par ailleurs, était déjà ruineux quand il l'a mis en pratique. Une autre ontologie accidentée. Ontologie plurielle par accident, la vieillesse nous fait double, enfant et sage. Éramos y éramos. La chatte Mishima ne vieillit pas, elle meurt adulte. Elle ramasse des lauriers au bardo todol. C'est dans un penchant cognitiviste de Malabou que je ne vois en Espagne qu'un autre de cette grandeur. Ignacio Gómez de Liaño a une œuvre encyclopédique, tout comme celle plus jeune de Malabou. La voix qui imite inconsciemment une voix collective et qui est consciente quand elle imite ses propres pensées. Et puis la voix qui a fait une pensée de la voix collective. On dirait une chansonnette, on dirait que la musique est science infuse. Comment s'entassent les espaces dans la mémoire génitale, mont donc avec la sensualité. La voix est un organe de la mémoire de l'espace, silence, parole et son. Sont les trois dimensions de l'espace. Silence et son relèvent d'une science infuse. Ils font surface. L'ignorant peut être persuasif s'il sait du moins apprendre sur les champs. Et voilà qu'on aurait l'espace dans sa plasticité musicale chez l'écrivain. Miette pour des rossignols. 15 février 2009. La société et la guerre. Mélodrame de Merezkowski, c'est de ne pas comprendre qu'il rentre dans la catégorie des artistes, parce que la guerre bourgeoise se modère elle-même. Tout comme la guerre grecque, elle écoute les deux parties, elle écoute son historicité. Stalker peut se résumer juste dans ce résumé, il faudrait ne pas manquer de lui rendre justice. Je peux aussi être résumé. La guerre orientale ne brandit pas d'arguments, elle n'est pas historique. Je me suis vu alternativement Marrakech dans son cloaque. Un porc dans la boue et Siegfried couvert du sang du dragon.